Non, madame, je n'étais pas là non plus. Mon sang n'a pas coulé dans les Champs-Élysées. Seul un baiser arraché à la pluie veille sur ce silence. La ville était détruite, la campagne anéantie, le firmament. Nous méditions à la hâte le long des mausolées, des catacombes. À la maison près d'Homère l'aveugle, je te suppliais de croire en demain. Toi et moi, ivres d'espoir et d'obéir à la nuit obscure. Pris dans une révolution confuse, l'hiver ricanait, le rossignol mourait. Et nous deux désormais séparés, échangeons un plat de lentilles. Contre notre liberté, nous aurions pu être une famille, et nous aurions pu survivre. Jamais le nécessaire ne nous a manqué, mais comment aimer un poète? C'est chanter.